Arc-en-ciel, il est 17h. C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Ravie de vous retrouver pour un nouveau La vie comme elle va. Alors, nous sommes en configuration intimiste aujourd'hui. Oui, oui, oui. Eliane, hein ? Oui, ça va, Irène, on est bien toutes les deux derrière les micros. On a un lâcheur de Jean-Pierre. Heureusement qu'on a celui qui est derrière le carreau. Voilà, donc aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est une émission avec Eliane et puis avec JP, notre maître des boutons, mais Jean-Pierre nous a lâchés. Mais ce n'est pas grave. Parce Il sera là que... la semaine prochaine. Et puis, nous allons assurer. Absolument. Nous allons assurer avec aujourd'hui la présentation de 4 livres. Tu te rends compte, on a peur de rien. Ah oui, oh là non, là. Il faut y aller. Il faut dire que bientôt, samedi, le 18 janvier, c'est la nuit de la lecture. Mm-hmm. Donc il faut quand même qu'on vous donne des biscuits pour participer à cette Bien nuit sûr. De la lecture. Alors ce sera la 4e nuit de la lecture. Elle a été créée en 2017. Par le ministère de la Culture. Et donc, c'est une manifestation populaire et festive qui réunit autant les professionnels du livre que les lecteurs, qu'ils soient assidus ou qu'ils soient occasionnels. Et en règle générale, cette nuit de la lecture, elle est placée sous le signe du partage. C'est en effet une nuit au cours de laquelle on se réunit, que ce soit dans les bibliothèques, les librairies ou différents établissements dédiés à la culture et où on peut faire des lectures à voix haute, où on peut proposer des animations. Et nous reviendrons sur la question avec le programme de cette nuit de la lecture à la bibliothèque Les Jacobins de Fleury-les-Aubrais. Mais en attendant cette nuit de la lecture, nous allons vous présenter donc 4 ouvrages. C'est Eliane qui donnera le coup d'envoi avec son coup de cœur, « Les oubliés du dimanche » de Valérie Perrin, dont on avait déjà apprécié « Changer l'eau des fleurs ».« Changer l'eau des fleurs ». Ensuite, j'enchaînerai avec « Les guerres intérieures » de Valérie Tonquion. J'espère que c'est comme ça que l'on prononce. Vous aurez droit ensuite à un extrait du « Misanthrope » en attendant vendredi 17 janvier à la passerelle, le Misanthrope présenté par la compagnie Viva. Vous aurez droit à un petit extrait, pas par la compagnie Viva, mais par Georges Descrières. Et puis ensuite, je vous présenterai Les Victorieuses, le 2e livre de Laetitia Colombani. Et comme d'habitude, c'est Eliane qui fermera le banc avec un polar, tout ce qui est sur terre doit périr, de Michel Bussy, donc un polar un peu particulier. Donc, sans plus attendre, je propose à Eliane de nous parler des oubliés du dimanche. Ah oui, parce que vraiment, j'avais adoré le 2e livre de cette auteure dont tu nous avais parlé tellement bien que j'avais couru, j'avais acheté le livre, je l'avais dévoré. Beaucoup de gens ont aimé Changer l'eau des fleurs. Je n'ai pas arrêté de dire aux gens qui sont autour de moi de lire ce livre. Pareil, c'est vraiment un très très beau livre. Alors donc son premier livre s'appelle donc Les oubliés du dimanche. Eh bien, il m'a autant touchée que le deuxième. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Justine Neige. Elle a 21 ans et travaille dans une maison de retraite. Oui, j'ai 21 ans et je travaille aux Hortensias. Depuis 3 ans, je suis aide-soignante. En principe, les maisons de retraite portent des noms d'arbres comme les tilleuls ou les châtaigniers, mais la mienne a été construite sur un massif d'Hortensias. J'aime 2 choses dans la vie. La musique et le troisième âge. Je danse presque un samedi sur 3 au Club Paradis, qui se trouve à 30 km des Hortensias. Mon paradis est une sorte de cube en béton armé, planté au milieu d'un pré avec un parking improvisé, sur lequel je roule parfois des pelles alcoolisées à des personnes du sexe opposé vers 5h du matin. Bien sûr, j'aime aussi mon frère Jules. Enfin, en vrai, c'est pas mon frère, c'est mon cousin et mes grands-parents, les parents de feu mon père. Jules est le seul jeune que j'ai fréquenté à la maison pendant mon enfance. J'ai grandi avec le troisième âge. J'ai sauté une case. Je sépare ma vie en 3. Faire les soins le jour, lire dans la voix des vieux la nuit et danser le samedi soir pour réapprivoiser l'insouciance que j'ai perdue en 1986 à cause du deuxième âge. Le deuxième âge, c'est mes parents et ceux de Jules. Ils ont eu la sale idée de mourir ensemble dans un accident de voiture un dimanche matin. J'ai vu l'article que Mémé a découpé dans le journal. C'est un article qui est censé être caché à condition de ne pas fouiller. Et j'ai vu la photo de la bagnole aussi. Il faut dire que c'est le père de Justine et le père de Jules sont des jumeaux. Alors, sur la photo, le marié de la blonde et le marié de la brune, on dirait le même homme. Même costume, même cravate, même sourire. Mon père et mon oncle étaient jumeaux. Comment le même homme en apparence a-t-il pu tomber amoureux de 2 femmes différentes ? Et comment 2 femmes pouvaient être amoureuses du même homme ? Voilà les éternelles questions que je me pose. Enfin, personne ne me répond. Hein. Et je me les pose en franchissant les grilles du cimetière. Je n'ai personne pour me répondre. Mon village s'appelle Milly, environ 400 habitants. Il faut prendre une loupe pour le trouver sur une carte. Et puis, bien qu'ils s'appellent Pépé et Mémé, mes grands-parents sont plus jeunes que la plupart des résidents des Hortensias. Mais je ne sais pas à partir de quand on est vieux. Madame Le Camus, ma chef de service, dit que c'est à partir du moment où on ne peut plus s'occuper de sa maison tout seul, que ça commence quand il faut laisser la voiture dans le garage parce qu'on devient un danger public et que ça finit quand on se casse le col du fémur. Moi, je pense que ça commence avec la solitude, quand l'autre est parti. Pour le ciel ou pour quelqu'un d'autre. Ma collègue Jo dit qu'on devient vieux quand on commence à radoter et que c'est une maladie qui peut s'attraper très jeune. Maria, mon autre collègue, me dit que ça vient avec la sourde oreille et les clés qu'on cherche 10 fois par jour. J'ai 21 ans et je cherche mes clés 10 fois par jour. Vous voyez, ça commence vraiment très très bien. Elle a une jolie écriture. Très très. Alors Justine, elle a une dame qu'elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aux Hortensias. D'ailleurs, elle a acheté un cahier bleu pour raconter l'histoire de cette femme qui s'appelle Hélène. Hélène, elle est née 2 fois. Le 20 avril 1917 à Clermain en Bourgogne et le jour où elle a rencontré Lucien Perrin en 1933, juste avant l'été. Hélène n'est jamais arrivée à apprendre correctement à lire. Lucien, lui, il a appris le braille. Car dans sa famille, on est aveugle de père en fils. Oui, mais pas lui. Pas lui. Alors comme c'est bizarre, il a toujours acheté des livres en braille pour son père et il a appris le braille. Hélène avait trouvé une mouette blessée quand elle était jeune. Cette mouette est très importante dans la vie d'Hélène. Et puis, à la maison de retraite, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je vous lis ce passage parce que vraiment, ça a commencé le 25 décembre dernier. 3 familles ont été contactées par téléphone pour la mort d'un résident. Et quand ces 3 familles ont débarqué le 26 au matin pour organiser les funérailles, leur aïeul leur a souri, heureux de cette visite inattendue. depuis la direction enquête, hein, pour savoir d'où proviennent ces sinistres coups de fil. C'est comme ça que c'est écrit sur la note de service placardée dans la salle des soins, la salle de pause, l'office de nos vestiaires. Parce que ça a recommencé 5 fois depuis. Les appels viennent de la chambre 29, celle de M. Paul qui dort tout le temps. Il est cliniquement impossible que cet homme ait pu passer ses coups de fil. Mais les familles ont tout un point commun. Cette famille auxquelles on téléphone, elles n'ont jamais de visite. C'est comme si quelqu'un comptabilisait le nombre de visites par résident et déclenchait les appels téléphoniques pour remplir les chambres sans fleurs ni visites. Du coup, tout le monde soupçonne tout le monde. Un vrai film d'Agatha Christie. Et puis... N'empêche, c'est une bonne idée. Hein. Très, très, très bonne idée. Parce que les gens se déplacent et du coup... Et alors justement, je vais vous montrer quel est le quotidien de Justine Neige. Comment ça va aujourd'hui, monsieur Girardeau ? Ma femme est morte. Oh, ben ça fait longtemps maintenant, hein. Oh, vous savez, quand on a perdu la personne qu'on aimait plus au monde, on la perd tous les jours, hein. Comment ça va aujourd'hui, monsieur Duclos ? Ta gueule, connasse ! Eh ben dis donc, vous y allez fort ce matin ! Comment voulez-vous que ça aille ? Ben, comme une fin d'été. Pauvre conne. Oh, mais ça m'arrive, oui. Allez, on se lève. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Ben, il faut que je fasse votre toilette, monsieur Duclos. Allez vous faire foutre. Oh, ça ne me déplairait pas. Espèce d'enculé. Bon, entendu, je vais voir si c'est possible. Comment ça va aujourd'hui, madame Bertrand ? Ben, Annie vient de mourir. Ah, qui est Annie ? Ben, c'était ma copine. Quand elle arrivait chez moi, elle me disait « Serre-moi une petite bière, vous croyez qu'il y a un bistrot chez le bon Dieu ?» Oh, s'il y a un paradis, il y a forcément un bistrot. Alors, comment ça va, mademoiselle Adèle ? Oh, ben bien, ma petite fille vient me l'amener des beignets. Vous en avez de la chance d'avoir une petite fille qui vient vous voir presque tous les jours. Ah, oh, ça, je sais. Comment ça va aujourd'hui, monsieur Mouron ? Oh, mes douleurs aux jambes, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je vais demander au docteur de passer dans la matinée. D'accord, oui, si vous voulez. On vous allume la télé ? Oh non, il n'y a que des trucs de bonne femme le matin. Et alors, vous voyez, comme ça, c'était toute la journée. Comment ça va aujourd'hui, monsieur Turquetil ? Je suis où ? Bah, dans votre chambre. Ah non, non. Là, c'est pas ma chambre, moi. Mais si, c'est votre chambre. On va vous faire votre toilette. Si vous voulez, on vous emmènera faire un tour en bas. Vous êtes sûr que c'est ma chambre aussi ? Regardez les photos sur le mur, là. Ce sont vos enfants et vos petits-enfants. Et maman, elle est où, maman ? Ben, elle se repose. Mon père est avec elle. Oh oui, il se repose avec elle. Ils vont venir me voir cet après-midi. Oh, peut-être, mais s'ils sont trop fatigués, ils viendront demain. Hein. Et voilà, toute la journée. Et elle adore ces personnes âgées. Elle les adore. Et Justine, donc, elle a un problème. C'est que personne ne parle de l'accident de ses parents. Et elle veut savoir. Elle dit qu'il y a un truc, quand même. Il y a un truc. Alors, elle a bien été voir les deux policiers qu'elle appelle Starkey et Hutch parce qu'ils ne font rien. Pépé et Mémé ne disent rien. Donc, elle va faire son enquête. Elle va trouver des choses. Des choses étranges, belles, surprenantes. Et puis, Justine, donc, elle sort, elle danse. Elle couche, mais pas avec un gars du village. Hein. D'ailleurs, quand elle est avec... Elle aime l'idée de l'amour. Mais elle s'ennuie quand elle baise. J'ai besoin de promener ma tête ailleurs. Un jour, je reverrai mes hommes bidons et je coucherai avec le garçon avec lequel je suis en train de coucher. La première fois que Lucien a embrassé Hélène, donc c'est la dame, il a senti un battement d'aile sous ses lèvres. Oh ben moi, j'attends le garçon qui sentira le battement d'aile de mes lèvres. Hein. Il paraît que ça arrive de temps en temps. Hier soir, j'ai à nouveau fait l'amour avec le mec de 27 ans. Celui que j'appelle « je ne me rappelle plus comment ». Et à chaque fois qu'elle parle de cet homme, elle l'appelle comme ça. Et puis ce jour-là, il a posé plein de questions. Et pour une fois, elle a répondu. C'était la première fois que je parlais d'un truc aussi personnel après un coup, ce genre de truc. Si je le garde pour Jules ou pour Jo, je ne suis pas amoureuse, je ne sais plus, je ne me rappelle plus comment, mais je ne pense jamais à lui. Mais dans des cas présents, là, je le trouve quand même un peu sympa. Et alors, l'histoire d'Hélène et de Lucien, c'est extraordinaire. C'est une merveilleuse histoire d'amour. Il va y avoir la guerre, bien sûr. Il va être arrêté, il va aller à Buchenwald. Elle va le croire mort, mais sa mouette a disparu. Et elle dit, la mouette, elle est partie avec Lucien. Et quand Lucien reviendra, la mouette reviendra avec. Et puis, Lucien s'en est sorti, mais il a complètement perdu la tête. Il y a une autre femme qui va s'occuper de lui, une infirmière, qui va lui donner une fille. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Chez Lucien, c'est pas... L'amour qu'il avait pour Hélène est tellement extraordinaire que même s'il ne se souvient pas, Et puis cette femme là qui l'a pris entre parenthèses va quand même chercher, va trouver et va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'elle va le renvoyer à Hélène. Et petit à petit, c'est une merveilleuse histoire. Vraiment, c'est une merveilleuse histoire qu'elle écrit très, très, très, très bien. Et c'est beau, c'est triste, c'est drôle. Ben, c'est un très, très bon roman, quoi. Je pense la même chose que toi, parce que, bien évidemment, après avoir lu « Changer l'eau des fleurs », j'ai fait comme toi, je me suis précipitée sur « Les oubliés du dimanche », et c'est de la même veine. C'est une histoire totalement différente, mais c'est écrit avec la même passion, avec la même tendresse. L'amour des gens. Oui. Et vraiment, quand on lit les livres de Valérie Perrin, on se sent bien, on trouve qu'il y a de l'avenir pour l'humanité. Franchement. Puis alors, ce qui est bien, c'est que auprès de Hélène, elle a l'impression d'avoir vu un fantôme parce que cet homme est très beau, il a les yeux très bleus. Elle se demande s'il est réel ou s'il est... Bon, bien sûr, c'est quelqu'un de la famille d'Hélène. Et elle va discuter avec lui, elle va le trouver super beau. Mais bon, il est marié, hein. Et puis, celui avec qui elle couche de temps en temps, il est peut-être très très bien aussi, celui-là. Finalement, hein, on va souvent chercher loin ce qu'on a à portée de main. Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un bonheur immense qui vous attend. Le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Ne m'oublie pas sur la porte au milieu de tes clés. Ne m'oublie pas sous la flotte d'un parapluie mouillé. Ne m'oublie pas au fond d'un tiroir rouillé ou dans un vieux cahier. Ne m'oublie pas sur ta bouche à en perdre tes mots. Ne m'oublie pas quand tu touches une autre avec ta peau. Ne m'oublie pas ailleurs, les idées traînent dans la semaine. Je n'insiste pas, je te connais par cœur. Et j'entends le chant. Ne m'oublie pas sur la ligne 12 du métro. Ne m'oublie pas sur la pelouse en l'honneur d'un râteau. Ne m'oublie pas enfin dans la lumière face au destin. Ne m'oublie pas à l'époque où je n'existe plus. Ne m'oublie pas dans tes poches, petits boutons perdus. Ne m'oublie pas dehors, hors de tes rêves, la réalité. Moi, la plume légère de l'oreiller. Ne m'oublie pas sous l'écume dans le marc de café. Ne m'oublie pas toi, si ça s'y prête pas dans l'immédiat. Ne m'oublie pas n'importe où où je vais y passer. Ne m'oublie pas au mois d'août, je vais me liquéfier. Ne m'oublie pas au hasard dans ta mémoire. Où m'as-tu caché? Je te connais par cœur. C'est au moment où il enfile sa veste qu'il prend conscience du bruit. Dès qu'il est entré, pourtant, la violence des craquements, les tremblements du plafond, le grincement des cloisons auraient dû l'alerter. Mais sa concentration l'a mis à distance de la réalité. Il faut ces grognements étouffés, ces cavalcades étranges, pour qu'il commence à douter et dirige son attention vers l'étage supérieur. Il ne sait rien de son voisin ou sa voisine, si ce n'est qu'il ou elle a dû emménager au début du mois. En août, il se souvient d'avoir vu la pancarte d'une agence immobilière accrochée au garde-corps de la fenêtre. Il n'a jamais croisé personne dans l'escalier, le couloir ou le hall, du moins personne qu'il ne connaisse déjà. Il n'a jamais été gêné par une musique trop forte. Le seul indice qui lui revient, c'est ce nom sur la boîte aux lettres qui jouxte la sienne, écrit au marqueur sur une étiquette collée de travers. À Vrinclair. Dans cet immeuble de 3 étages, seuls 2 appartements sont occupés par les locataires. Les autres le sont par des sociétés. Le bruit enfle, celui de meubles, de corps qui chutent. C'est une lutte sauvage qui se déroule au-dessus de lui. N'importe qui, dans un état normal, identifierait qu'il se produit quelque chose de grave. Mais Pax n'est pas dans un état normal. Il affronte son destin. Les faits et leur interprétation lui parviennent déformés, portés par de multiples voix intérieures. C'est une dispute, pense-t-il, rien d'important. Tu en as connu combien de ces éclats lors de ton divorce? Vraiment, cela ne te regarde pas. De quoi aurais-tu l'air à débarquer au milieu d'un conflit privé? Si encore c'est un conflit, ne serait-ce pas plutôt ton imagination qui se joue de toi? As-tu entendu des injures, un appel au secours, un cri? Oui, un seul, bref, de surcroît. La vérité, c'est que tu as une sensibilité suraiguë, tu absorbes les événements, tu en dessines le scénario, c'est le propre du comédien. Il s'approprie les informations, les sensations, il les amplifie. Quel idiot, se rassure-t-il à voix haute, se mettre dans un état pareil, alors qu'à coup sûr, ils sont juste en train de déplacer un lit ou monter une commode. Il jette un œil honteux à sa montre. Sa marge de précaution a fondu à force de tergiverser. Il doit partir maintenant ou prendre le risque de rater le dernier train de sa réussite. Voyons, aurait-on mis sur sa route une telle opportunité pour l'en priver une heure plus tard? Il envisage brièvement de prévenir la police, mais s'abstient. Il lui faudrait rendre des comptes, peut-être même lui demanderait-on de rester sur place jusqu'à l'arrivée des agents. Il se souvient d'avoir appelé le 17, voilà quelques années, pour signaler le vol du téléphone portable de Cassandre et d'avoir attendu une éternité en écoutant le message en boucle « Vous avez appelé la police, ne quittez pas !» assez longtemps pour se faire assassiner 100 fois. Sans compter qu'il ne s'agit de rien de grave, il en est certain désormais. Le silence est revenu, un silence complet, à croire qu'il a rêvé tout cela. Il est 16h36, il verrouille sa porte, sa cravate dans la poche, aperçoit le dos d'un homme qui dévale les marches, disparaît. C'est une image fugitive, il chasse immédiatement, réservant la totalité de l'espace libre de son cerveau à son entrevue avec Sveberg. À 16h59, il franchit le seuil du Lutetia. Son pas irrégulier, nerveux, trahit le mélange de désarroi, de confusion et de fièvre qui le consume. Il est ce marathonien impuissant qui s'écroule devant la ligne d'arrivée, consentant à sa défaite. Peter Sveberg sourit, il tient son personnage. Donc Pax Monnier est comédien, mais un comédien de seconde zone. Il n'a jamais eu de grand rôle, même s'il a toujours rêvé de gloire. Il a enchaîné les petits tournages, les petits rôles. Et un jour, événement, son agent le contacte pour lui dire qu'un grand réalisateur américain souhaite le rencontrer sans délai. Il a rendez-vous à l'hôtel Lutetia. Donc il a juste le temps de repasser chez lui pour se changer et aller à ce rendez-vous. Et donc, il a entendu de drôles de bruits et il a décidé donc de se rassurer que c'était rien du tout. Eh oui, c'était rien du tout, mais à son retour, il apprend qu'un étudiant, Alexis Vinclair, a été sauvagement agressé dans son appartement. Un an plus tard, le comédien fait la connaissance d'une femme un peu énigmatique, Emi Shimizu, d'origine japonaise, et il en tombe follement amoureux. Malheureusement pour lui, il va découvrir un jour qu'elle est la mère d'Alexis Vinclair. Et Pax a vraiment le sentiment qu'un piège se referme sur lui et il est emporté par les tourments de la culpabilité. Parce que Amy va lui parler de son fils. Son fils a survécu, mais il a été terriblement secoué par cette agression, autant physiquement que psychologiquement. Et il vit dans d'horribles souffrances. Il a perdu un œil. Il refuse de sortir de chez lui. C'était un élève brillant. Sa mère lui avait trouvé cet appartement pour qu'il, à côté du lycée où il était en classe prépa, pour qu'il puisse travailler ses concours en toute sérénité. Et donc, quand Pax apprend ça, et surtout quand il apprend que si on avait découvert beaucoup plus tôt le garçon dans son état d'inconscience, il aurait pu être sauvé dans la mesure où il n'aurait pas perdu son œil, il ne serait pas dans un tel état physique et mental de confusion. Donc Amy, elle culpabilise parce qu'elle se dit « Ah, j'aurais pas dû lui trouver un appart, il aurait dû continuer à vivre avec moi, etc. » Et donc, tout est fondé sur la culpabilité, sur l'introspection, sur la lâcheté. Alors, est-ce que c'était vraiment de la lâcheté? Et puis, comment Pax va s'en sortir? Pour lui, c'était essentiel, ce rendez-vous. Donc, il a bien fait ce tournage. C'est un petit rôle qu'il avait, mais avec un réalisateur tellement connu que ça pourrait être la chance de sa vie. Et donc, il est pris entre deux feux. Est-ce qu'il va avouer à Amy? Parce que, évidemment, après ce qui s'est passé, il a déménagé, il ne pouvait plus vivre dans cet immeuble. Donc, elle ne sait pas qu'il vivait dans le même immeuble que son fils. Et c'est vraiment un bel écrit sur le sentiment de culpabilité. Et ce sentiment, il est partagé. Il est partagé parce que Amy aussi... Elle a ce sentiment de culpabilité par rapport à son fils, mais aussi dans le cadre de son travail. Donc, ils vivent en parallèle, sans se le dire, des sentiments un peu similaires. Et puis, donc, Pax est amené à rencontrer ce fameux garçon. Et là, ça va complètement bouleverser sa vie. Alors, Valérie Tongong, j'espère que je prononce bien, a été inspirée par une attaque gratuite dont son fils, son propre fils, a été victime quelques années auparavant. Et c'est ce qui lui a servi de point de départ pour ce livre. Alors elle, c'est une auteure qui est déjà connue, elle a écrit des romans, des nouvelles, des scénarios... elle a d'ailleurs eu des prix pour deux de ses romans, L'Atelier des Miracles, que j'avais lu d'ailleurs et que j'avais beaucoup aimé, qui lui a permis d'avoir le prix de l'optimisme et le prix Nisbé des Anges. Et puis un deuxième livre, Par amour, où elle a eu le différents prix, et notamment le prix Bonheur Magazine en 2017. Donc c'est une auteure en effet qui, bien qu'elle écrive sur des sujets graves, il y a toujours beaucoup d'optimisme dans ses écrits. Donc je vous conseille vraiment de lire « Les guerres intérieures » de Valérie Tongkong. La vie comme elle va. Juillet et Noël au balcon, des palmiers, des voyages, la terre est mon sur des avions. Merci, merci, mais demain, j'en voudrais un peu moins. Des smartphones à Noël, Saint-Valentin, des dentelles, Halloween, des bonbons, des shampoings, des chaussures, une vie pleine d'aventures et pleine de promotions. Merci, merci, mais demain, j'en voudrais un peu moins. Des crèmes pour le jour, des crèmes pour la nuit, des allées, des retours et la mélancolie. Merci, merci, merci, merci. C'est les soldes, soldats, former des bataillons. Au signal, on y va, et puis chacun pour soi, à l'assaut des rayons. Merci, merci, mais demain, j'en voudrais un peu moins. Des crèmes pour l'amour, des crèmes pour l'envie, des tankers, des poids lourds, et la mélancolie. Merci, merci, merci, merci. Des infos, des rumeurs, des scandales, de la peur et des révélations. Des amis, des visages, des pouces ou des images, des photos de chatons. Merci, merci, mais demain, j'en voudrais un. La vie comme elle va. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Nous connaissons tous le misanthrope de Molière. On l'a tous étudié en classe, et on l'a lu. Et donc, fait intéressant, à la passerelle, vendredi 17 janvier, la compagnie Viva viendra présenter sa version du misanthrope. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est une version un peu rock'n'roll. Mais du coup, ça m'a donné envie de replonger dans le texte. Et c'est vrai que ce texte est toujours très actuel. Et je vous propose un extrait avec Georges Descrières. Et je remercie au passage la RTBF, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu avoir cet extrait sur Internet. Qu'est-ce donc, avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie... Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'amis, enfin... Je suis tout des premiers... Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Une vœu nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Mais allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Mais tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur, pour lui, tombe en vous séparant. Et vous me le traitez, à moi, d'indifférent. Morbleu ! C'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela. S'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non ! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles qui, de civilité, avec tous, font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Nous avons été un certain nombre à aimer La Tresse, le premier roman de Laetitia Colombani. Ah oui. Et là vient de paraître, il y a déjà quelques semaines, le deuxième roman de Laetitia Colombani, Les Victorieuses. Les Victorieuses racontent donc l'histoire de Solène, une avocate qui a tout sacrifié à sa carrière, ses rêves, ses amis, ses amours. Elle n'a eu que les emmerdes. Un jour, elle craque, elle s'effondre. C'est la dépression parce que l'homme qu'elle défendait a été condamné et il s'est suicidé. Donc, le médecin, psychiatre, qui la soigne, qui la suit, lui conseille pour remonter la pente de sortir d'elle-même et de se tourner vers les autres, de travailler pour les autres. Elle lui suggère de faire du bénévolat. Et c'est ainsi qu'elle répond à une petite annonce où une association cherche une volontaire pour une mission d'écrivain public. Elle se retrouve alors au Palais de la Femme et elle est chargée d'aider des femmes en difficulté à rédiger leur courrier ou à remplir des papiers ou à faire des démarches administratives. Alors évidemment, les choses ne vont pas se faire simplement parce qu'il faudra gagner la confiance des unes et des autres. Mais du coup, Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que à travers le palais de la femme, dont notre Solène va avoir envie d'écrire, puisqu'elle est écrivain public, d'écrire sur ce lieu qu'elle découvre et qui est si intéressant, on va non seulement découvrir l'histoire de ce lieu, mais nous allons également découvrir l'histoire de Blanche Perron. Alors, qui est Blanche Perron ? Eh bien, c'est une officière de l'armée du salut. Elle était même chef de l'armée du salut en France. Et elle est principalement connue pour avoir créé ce palais de la femme. Alors, Blanche, elle était née à Lyon. Sa mère était écossaise, son père était français, protestant, pasteur. Et donc, quand elle rencontre à Glasgow la maréchale Catherine Bouffe Cliborne, elle qui est donc à l'armée du salut, elle décide de vouer sa vie à cet organisme. Alors, l'armée du salut a été créée par un pasteur, William Booth, qui était pasteur méthodiste, en 1865. Et donc, ce pasteur voulait non seulement évangéliser la population ouvrière et misérable de Londres, mais il avait compris que pour propager la foi, il fallait commencer par lutter contre la pauvreté. Et donc, il avait créé cette armée du salut, donc avec une organisation en effet très militaire. Et il avait pour devise « soupe, savon, salut ». Il commençait par aider à avoir de meilleures conditions de vie, et seulement ensuite, il s'engageait sur le terrain de la religion. Et donc, cette fameuse Blanche Perron, elle va être à l'origine du palais de la femme, elle va s'engager, elle va lever des fonds pour pouvoir acheter ce lieu. Ce lieu, il existe toujours et il est situé 94 rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris. Et il est donc depuis 1926 un établissement de l'armée du salut et il est destiné à accueillir des jeunes filles et des femmes seules, en détresse, mais surtout dans une grande misère, précarité. Oui. Voilà. Et donc on découvre le destin singulier de cette femme et la façon dont elle a, par sa conviction, réussi à réunir les fonds qui ont permis d'acheter, qui ont permis à l'armée du salut d'acheter ce lieu qui auparavant était un couvent dominicain. D'ailleurs, on disait, la rumeur publique disait que Cyrano de Bergerac y avait été enterré. Mais le couvent avait cessé puisque les sœurs avaient été expulsées pendant la Révolution française. Ça avait été bien des années plus tard, donc un bâtiment qui accueillait les hommes célibataires. Et quand les hommes sont partis à la guerre en 14, eh bien, c'est le ministère des Pensions qui s'y installe. Et donc Blanche Perron en fera l'acquisition en 1926. Et c'est vraiment très marrant parce qu'on a les deux époques. On a l'histoire de Solène aujourd'hui, de nos jours, écrivain public qui essaie d'aider des femmes et en parallèle l'histoire de Blanche Perron qui a vraiment existé et ce palais de la femme qui existe vraiment. Donc c'est vraiment intéressant. Donc je vous conseille de lire Les Victorieuses de Laetitia Colombani. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Deux univers, l'un fait bouger la tête, l'autre fait lever les verres. Faut être honnête, qu'on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Évidemment inspiré de Java et d'Yvette Turner, il essayait de gagner sa croûte en chantant des airs populaires. Mais de la pitance à la pitié, l'on regardait pensant, attiré par le son du piano à bretelles, les airs tentants. À Saint-Jean, aux musettes, comment ne pas perdre la tête? À Saint-Jean, aux musettes, il aurait bien aimé gagner beaucoup plus de blé, mais du flouze à la loue, c'est le grand écart sur le pavé. L'œil humide et plein d'humilité, il repense nostalgique à l'époque du passé où il était le king du baloche et de la pompe à paillettes. Mais la balle s'est éteinte et la marche à mille temps. Maintenant place aux starlettes. Il est passé le temps du temps au argenté, place à l'argent, il picole pour passer le temps. Son nom à lui c'était Musette, pas en hommage à la musique, mais à la bière, à la piture, à la piquette. Mais le poil et la crasse ont eu raison, son ambition secrète. Mais le poil et la crasse ont eu raison, son ambition secrète. Quand on lui demande d'où ça sort ce style-là, il dit je sais pas moi, c'est de la musique quoi. C'est pas du rock, non, c'est pas de la salsa, c'est pas du hard guinguette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du raga. Musette, c'est du raga. Musette, c'est du raga. Musette, c'est du raga. Musette, c'est pas de l'opéra, c'est pas vraiment du raga, c'est pas de la funky musette. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du raga. Musette, c'est du raga. Musette, c'est du raga. Musette, c'est du raga. Musette, c'est du raga. Attendez une minute. Vous soupçonnez qui? Aucun d'entre eux. Tous. L'énigme restera entière. Tu ne connais pas les membres de ma famille. Tu n'as pas idée de quoi ils sont capables. C'est monstrueux. Côté polar. Eliane, allons-nous enfin savoir quand a disparu la dernière licorne? Eh là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, tout ce qui est sur Terre doit périr, ou la dernière licorne, un livre de Michel Bussy, il commence à nous dire que dans toutes les religions, dans tous les textes anciens, on parle d'un déluge, on parle d'un bateau, celui de Noé, et de ce qui était dans l'arche. Et puis, Bussy nous explique que ce roman est né il y a très longtemps pour lui. Il avait 15 ans après avoir vu le film « L'homme qui voulut être roi », Il a eu l'idée de mettre en scène un grand mystère légendaire de l'humanité et de s'intéresser à l'Arche de Noé. Alors, des années plus tard, quand il a eu achevé la première version, cette histoire était tellement différente de ce qu'il écrivait qu'il l'a publiée sous un autre nom. Voilà. Alors, comme ce premier roman avait eu du succès, eh bien, ma foi, voilà. Mais ces romans, aujourd'hui, dit Michel Bussy, sont reconnus pour la variété des genres qu'ils explorent. À l'occasion de la sortie, la dernière licorne en édition de poche, sous son nouveau titre « Tout ce qui est sur Terre doit périr », Toby Roland, c'était donc le nom sous lequel il avait présenté ce livre, peut donc me rendre ma place, d'autant plus que j'espère publier à l'avenir d'autres histoires dans cette veine. Il dit qu'il s'est beaucoup documenté pour écrire ce roman. Tout ce qui est dans ce récit est vrai, les témoignages sont vrais, les lieux sont vrais. Mais rassurez-vous, il dit « Je ne prétends pas qu'à l'aube des temps, un homme, Noé ou Gilgamesh ou Fuxi rassembla des animaux par paire dans une arche alors que l'eau montait jusqu'à couvrir les montagnes. » Non. Mais vous avouerez quand même qu'il est troublant de constater que sur chaque continent, l'humanité conserve la mémoire de ce mythe qui lui inspira parmi ses plus beaux chefs-d'œuvre dont certains composent les étapes de cette quête. Il prétend surtout pas avoir révélé le mystère. C'est toujours pour expliquer l'inexplicable, de faire croire à l'incroyable, que les hommes inventent les plus belles histoires, dit-il. Et alors, ce livre, il est conçu comme des courses. Donc, il y a la première course, Arménie, Vatican, l'Arche de Noé. La deuxième course, Kaliningrad, Bordeaux, Toulouse, Melbourne, le théorème de Cortès. La troisième course, Ambert, Hong Kong, le déluge. Quatrième course, Chartres, Igdir, Paris, les licornes. Cinquième course, Paris, Nakhitchevan, le bond en avant de l'humanité. Sixième course, Montréal, Nakhitchevan, le livre d'Enoch. Septième course, Isaac Pacha, les Néphilim. Huitième course, Isaac Pacha, Bazagran, Dougou Bayazit, le protocole Ahora. Et la neuvième course, le grand Arara, l'anomalie d'Arara. Et alors, on part dans ce livre. Il est vraiment avec des personnages extraordinaires. Les personnages principaux, il y a d'abord les bergers qui vivent sur les pentes du mont Arara. Il y a la jeune Aman, à qui la maman offre un drôle de collier pour son anniversaire, et qui lui dit « Je t'explique quelque chose, c'est le secret du mont Arara. » Elle a une petite chèvre qui n'a qu'une corne. Et elle lui dit, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est monté là-haut, c'est quelqu'un qui en est descendu. Ça commence comme ça. Ensuite, il y a Zach, qui recherche au Vatican le livre d'Enoch. Il y a plein de tueurs. C'est abominable. Il y a Cécile Serval, qui connaît le rapport RS2A 2014, qui porte sur les glaces du mont Arara. C'est normal, elle est spécialiste des glaciers. Il y a Arsène Parella, un grand professeur. Il y a Cortès, un sanguinaire qui cache son visage complètement abîmé sous un grand foulard. Il est vraiment de la pire espèce. Et ils vont tous partir à la recherche de la vérité. Ils essayent aussi de sauver leur vie parce que Cécile, Zach et Arsène sont vraiment poursuivis par une bande de mercenaires. Ce livre, il est vraiment haletant. Quelquefois, on retourne dans 4360 avant Jésus-Christ. Quelquefois, ça me donne des indications. C'est un grand film d'aventure, ce livre, en fin de compte. C'est bien raconté. Et puis, on veut savoir. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le mont Arara? Eh bien, lisez La dernière licorne ou Tout ce qui est sur terre doit périr. C'est très violent quand même, hein, très très violent, mais c'est vraiment, on ne peut pas s'en sortir de ce livre. On continue. Il est très très bien fichu, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le genre que Michel Bussy écrit d'habitude. Mais c'est vraiment bien. Donc si vous voulez tout savoir sur La dernière licorne, lisez Tout ce qui est sur terre doit périr de Michel Bussy. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Alors, lire ou sortir, eh ben, pourquoi les choisir? Les deux. Donc, je vous rappelle, vendredi 17 janvier à 20h30 à la Passerelle, l'excellent Misanthrope de la compagnie Viva. Et ouais, ça j'y va vais, dépoter. Hein, j'y vais. Vendredi. Ça va dépoter. Le samedi 18 janvier, à partir de 11h à la bibliothèque Les Jacobins, il y a un atelier numérique sur le sport connecté. Et c'est un atelier qui est animé par Nordine Attab. Que vous connaissez, il va être votre coach virtuel et donc vous pourrez avec les montres connectées pouvoir mesurer et enregistrer vos performances. Ce même samedi 18 janvier, eh bien, c'est la nuit de la lecture et donc la bibliothèque Les Jacobins y participe et les bibliothécaires vous invitent à une soirée ludique et festive placée sous le signe de la peur. Cela commence à 18h30 avec une déambulation, les pillards du brouillard. Ensuite, à 19h30, il y aura un spectacle de contes à partir de 5 ans. 20h30, une pause buffet. Et de 21h à 23h, les coins sombres du château. C'est un jeu interactif. C'est à partir de 14 ans et c'est gratuit sur réservation. Et puis, donc, à partir de cette date et jusqu'au 15 février, vous avez l'exposition Images et Livres intitulée Même pas peur. Il y aura des fantômes, des araignées, dont une de 2 mètres de haut, des loups, des monstres, des ogres. Et ils seront tous réunis dans la salle Aricana pour une exposition ludique et interactive où l'on pourra s'amuser à avoir peur et à frissonner. Et puis, c'est la dernière chose que j'ai à vous dire sur les sorties. Oui. Les musiques maintenant. Et maintenant, nous allons demander à Jean-Pierre de nous donner les musiques d'aujourd'hui. Eh bien, écoute, en chouchou, on avait choisi la grande Sophie, ne m'oublie pas. Et puis, on a eu Antoine Salaire. Et puis, on a eu Nadamas avec son ragamusette. Et puis, bien sûr, l'intervention de Jean-Baptiste Lully, la marche pour la cérémonie des Turcs. C'était bien agréable après le Misanthrope. Ah, ils étaient terribles, hein, le duo d'enfer Molière-Lully. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures, de bonnes sorties et à passer le relais à Violette pour Traditionnel. Bye bye. Bye bye les filles.